Mon époque, le Move, ma radio. Vous êtes sur le Move, vous êtes au point G, bienvenue. Et n'oubliez pas... Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Point G. Point G. Comme Julia, sur le Move. D'amour. Parlez-nous d'amour, de ses bonheurs, de ses chagrins aussi. Parlez-nous de sexe, des aléas du plaisir, de ceux du désir. Point G comme Julia sur le Move, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien pour parler de ce qui fait marcher le monde et ce, depuis qu'il est monde. Allez, faites comme eux, appelez le 01 56 40 54 54 et ce soir, ça donne ça. Bonjour, moi c'est Thibaut et j'ai la fâcheuse tendance de fantasmer sur la sœur de mes potes. Moi j'ai l'impression que cette recherche du point G, elle est un peu... Oui, c'est une idée de la performance qui est un peu dommage parce que je pense que ce point G, en fait, il se déplace. Il se déplace, tout dépend du partenaire. Hé, hey, salut, c'est pour l'émission de Julia et toute l'équipe du point G. Je suis Anna, j'ai 31 ans, je suis styliste. Mais quel programme, j'adore déjà cette émission, il y a tellement de filles qui se posent des questions, j'ai tellement de copines qui rencontrent des blocages et des phases sans sexe et qui me demandent mais pourquoi, comment, et toi ça t'arrive? Alors je suis bien contente que vous débarquiez pour leur répondre enfin. Salut, c'est Nicolas. Alors voilà, je recherche la vérité vraie. Est-ce que les filles veulent vraiment soit des gros bras, soit des grands romantiques? Salut, c'est Joris. Bon bah selon moi l'amour c'est d'abord un truc qui se partage à deux, comme un Kinder Bueno ou un Twix. Après, faut juste trouver la personne à qui refiler la deuxième barre, quoi. Alors, docteur, l'amour, c'est un truc qui se partage à deux comme un Kinder Bueno ou pas? Tout à fait, aussi bon que le Kinder Bueno. Laissez-moi vous présenter à nos auditeurs. Ghislaine Paris, vous êtes sexologue et notamment l'auteur de cet excellent livre Un désir si fragile aux éditions Le Duc. Merci. Avec vous, ce soir, nous allons parler fessé. Fessé et SM soft, soft et chic, si l'on en croit le nombre de couvertures de magazines sur le sujet. Aujourd'hui, pour avoir une sexualité épanouie, il semblerait qu'il faille impérativement se faire greffer un fouet au bout du bras. Eh bien, on verra ça. Mais d'abord, c'est une question qu'on pose à tous nos invités. Ghislaine, pour lancer l'émission, votre définition à vous de la sexualité ou plus précisément du rapport sexuel? Du rapport sexuel, oui. C'est quelque chose dont je parle souvent dans mes consultations. Dans rapport sexuel, il y a rapport et il y a sexuel. Mm-hmm. Alors sexuel, c'est la pulsion, le côté sauvage, quelque chose qui est individuel. Et rapport, ben, c'est l'autre. Donc ça transcende, ça civilise, on partage, comme le Kinder Bueno, voilà. Je suis complètement d'accord, c'est le partage du désir, du plaisir avec l'autre. Alors pour nous accompagner ce soir également, la délicieuse Anne-Ma, bonsoir. Mais oui, Anne-Ma échappée de la morinade qui viendra tous les jeudis nous régaler de son héroscope du week-end. Alors Anne-Ma, qui va choper samedi là? Ah ben, suspense, mais il y a des bonnes choses pour les lions et pour les scorpions également. Et je crois que c'est votre signe à toutes les deux. Oui, exactement. Réponse en toute fin d'émission. Mais à vous aussi, un mot d'ouverture sur la sexualité, l'amour, le plaisir. Bon ben, je vous dirais qu'en tant que célibataire, hein, je parle depuis le banc de touche, hein, comme on dit. Mais bon, pour moi, l'amour, c'est un peu comme le foot. Hein, c'est un sport collectif, hein, qui peut être très beau quand il est joué dans le respect des règles, mais qui peut-être aussi très violent. Hein. Les risques de claquage sont assez nombreux. Et je parle malheureusement d'expérience. Donc l'amour entre Kinder Bueno ce soir et football. Quant à moi, cette circonstance, actualité oblige. Salma Hayek a dit... Mon éducation catholique a multiplié par 10 mon envie de sexe. Eh bien, c'est le pape qui va être content, tiens. Et vous, oui, mais vous, dites-nous tout, vos réflexions, vos questions sur l'amour et la sexualité. Vous pouvez nous les faire partager en direct, soit sur notre page Facebook, point G comme Julia, ou notre compte Twitter, @.Julia. Et puis, évidemment... En dehors du direct, tous vos messages, toutes vos questions sur l'amour et la sexualité, soit sur notre boîte mail point g@radiofrance.com, soit bien sûr notre répondeur, le 01 56 40 54 54. Oui, faites-nous entendre vos douces voix, elles sont belles, alors n'hésitez pas. Ne le cherchez plus, point G, on l'a trouvé, c'est tous les jours sur le Move à 19h30. Alors, pourquoi une émission sur la fessée? Eh bien parce qu'elle est partout. entre le roman érotico-ménager 50 nuances degrés, vendu à 40 millions d'exemplaires à ce jour, et le dernier livre de Marcella Yacoub, Belle et Bête, où l'auteur nous raconte à longueur de pages comment elle s'est fait molester, gifler, griffer, fesser. On ne peut que se poser la question. Mais tiens donc, la fessée serait-elle donc devenue chic? Alors, docteur, vous en pensez quoi, vous? C'est tendance, la fessée? Moi, j'en pense qu'à partir du moment où quelque chose est tendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde le fait? Ça veut dire que qu'il va falloir le faire, qu'il faut le faire, que si on ne le fait pas, on n'est pas branché. Mm-hmm. Et à partir de là, ça se gâte. Parce que quelque chose qui était peut-être attirant parce que transgressif au départ devient obligatoire. Donc il y a la notion de contrainte. Et quand il y a de la contrainte, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de plaisir. Et puis donc il y a un risque énorme. De normes aussi. Chaque fois qu'il y a une norme, alors la norme est nécessaire pour encadrer la sexualité, mais la sexualité se fait un malin plaisir pour transgresser la norme. On parlait de match de foot tout à l'heure, mais il y a des règles évidemment, des règles par rapport à l'autre, mais il y a aussi des transgressions permanentes. On est toujours sur le fil du rasoir et il faut que ce soit comme ça. Et puis c'est toujours pareil, il y a toujours un décalage entre ce que semblent nous raconter les magazines ou les reportages télé et puis la réalité des pratiques. Alors, oui, sans doute, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce mouvement médiatique. Ça veut dire que le champ s'élargit, ça veut dire qu'on commence. Mais pourquoi à... Pourquoi maintenant? On ne sait pas. Les mouvements médiatiques sont la transmission, j'allais dire la transcription de quelque chose qui se fait au niveau de la société. Hein. C'est le reflet. C'est intéressant. Ça veut dire qu'on envisage enfin de parler de choses qui relèvent du fantasme, de l'imaginaire. Donc toute une partie très intéressante de la sexualité. Moi, ce qui me gêne, c'est l'obligation. Et puis que du coup, ça casse un petit peu cet imaginaire. Alors, la réalité des pratiques, encore une fois, est tout autre. Comme souvent, c'est une enquête IFOP qui a été publiée en janvier dernier, justement sur ce thème. Oui. Seules des femmes ont été interrogées. Alors, elles n'étaient que 5% à pratiquer le SM, contre 3% en 85. Donc, on n'a pas non plus une explosion comme semblent décrire les magazines. Et par ailleurs, sur la fessée spécifiquement, c'est un petit peu plus. 24% des personnes interrogées avaient déjà pris une fessée. 15% en avaient déjà donné une. Alors les femmes en prennent plus qu'elles n'en donnent? Alors ça, on n'est pas dans le secret des alcôves et les sondages ne sont qu'un pâle reflet de ce qui se passe réellement. En fait, le décalage s'explique aussi entre ce qui se rêve, ce qui se fantasme, où succèdent ces romans, et puis la pratique. Et il y a un énorme fossé entre les deux et on n'est pas obligé de faire ce que l'on rêve et rêver de ce que l'on fait. Anne-Ma, vous les avez lus, vous, ces romans? J'ai lu les trois, effectivement. Et alors? C'est très mal écrit et elle est un peu agaçante. Elle parle constamment de sa déesse intérieure. On a envie de la gifler. Mais en revanche, c'est quand même une femme qui, à chacun de ses rapports, a un orgasme simultané avec son compagnon. Rêver. Ça fait rêver quand même. Ça. Non, mais je crois qu'il ne faut pas trop critiquer l'aspect littéraire lit pas ce genre de livre pour la littérature et le voilà. Sur la crédibilité non plus, ce sont des propos imaginaires et il faut les prendre comme tels. Voilà. Pour réveiller l'imaginaire, juste pour terminer sur ce sondage, parce que les chiffres m'ont fait beaucoup rire, en fait la fessée elle serait plutôt FN, c'est-à-dire que plus on s'approche d'extrême droite, plus il y a des gens qui vous confirment. Il a été élevé d'un... Bien sûr, Pépé René, bien entendu. Exactement. Alors, elle est aussi pratiquée plutôt par les CSP- que les CSP+. Et puis, c'est une question aussi de génération, puisque les moins de 25 ans sont 48% à la pratiquer, contre 7% seulement des plus de 60 ans. Donc là, ce serait peut-être une évolution. Ça, c'est sociétale. L'évolution de l'acceptation de nos fantasmes. Et justement, ça passe un tout petit peu dans la pratique. Alors qu'auparavant, les fantasmes étaient plutôt refoulés et mal acceptés. Puis en général, les fessées, c'est quand on est petit qu'on a fait de bêtises. Donc. Bien sûr. À 25 ans, on est encore proche de cette époque. Hein, mais... Ça rappelle des souvenirs. C'est ça. Alors, c'est un thème qui vous a particulièrement inspiré. On a eu beaucoup, beaucoup de messages sur la page Facebook de Point G comme Julia. On a Julien qui nous dit par exemple, la fessée, il faut juste savoir la donner à un moment inattendu et ça passe ou ça casse, mais rien ne vaut l'effet de surprise. Vous êtes d'accord? Pas tout à fait. Ah. Tout à fait, parce que je pense qu'il faut être d'accord pour ce genre de jeu. C'est un jeu, donc comme on l'a dit pour le foot, je reviens toujours sur cette histoire de foot. C'est une belle image. On peut ne rien y connaître et avoir des belles images. Non, il faut effectivement des règles du jeu pour qu'un jeu soit sympathique. Et effectivement, le jeu, ça reste un jeu, c'est pas une réalité. Donc si on est par surprise avec quelqu'un qui n'en a vraiment pas envie, ça passe, ça casse plus que ça passe. Alors on a eu aussi un débat sur la page Facebook. On a Lola qui nous dit, est-ce que la fessée n'est-elle pas une sorte de forme? Oui, une sorte de forme de domination. Et Louisa qui intervient juste derrière et qui dit, non, ça n'est pas une forme de domination. Alors, on revient sur l'idée du jeu, c'est pour de rire, c'est pour de faux, comme disent les enfants. C'est-à-dire que la domination, elle n'est pas vraie. Si elle était vraie, elle serait insupportable. C'est la différence entre le fantasme et la perversion. Et la perversion, c'est pour de vrai. Et la notion de jeu, justement, elle est abordée dans Fifty Shades. Tout à fait. Il y a un mot d'alerte qu'on Tout donne à fait. quand on ne veut plus. Voilà. Alors, nous avons Eugénie en ligne. Bonsoir, Eugénie. Bonsoir. Alors, vous vouliez réagir sur la fessée. Vous êtes plutôt fessée hors notre fessée. C'est pas une passion. Ça me fait pas plus d'effet que ça. J'ai l'impression d'être une vieille chose. C'est-à-dire, vous avez l'impression d'être coincé parce que vous n'aimez pas ça, c'est ça? Ben oui, on peut pas vraiment riposter à part envoyer une droite à son voisin, mais c'est pas forcément. moi, ça me choque. Non, si ça vous choque pas, mais je veux dire, j'ai pas d'intérêt dans la fessée. Eh ben, ne le faites surtout pas. Il faut vraiment s'écouter dans ces choses-là. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, soit ça passe, soit ça casse. Et si ça passe, il faut le faire. Si ça casse, il ne faut pas le faire. C'est tout. Il ne faut pas se poser plus de questions. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une question de deal et de négociation? C'est-à-dire, vous le disiez au tout début d'émission, on est dans un rapport à deux. Si on est face à quelqu'un qui a, j'en sais rien, besoin de ça pour jouir, pour avoir du plaisir. Tant pis pour lui. Il se la met sur l'oreille et il attend. Il n'y a pas de besoin. À partir du moment où on rentre dans le partage, et il faut que les deux ils trouvent leur plaisir. Mmh. Sinon, il n'y a pas de partage. Je donnais la définition tout à l'heure. Le rapport sexuel, c'est un partage de plaisir. S'il y en a un qui prend du plaisir et l'autre pas, ça n'est plus un rapport sexuel. Je vais dire un gros mot. Ça devient de la masturbation. Assister. Est-ce qu'on vous a répondu, Eugénie, ou vous aviez une question de plus à nous poser? J'avais une question. Allez-y. Parce que moi-même, je me sens pas sadomaso, mais j'aime bien mordre, par exemple, et recevoir la morsure. Et je crois que c'est dans le livre du Longard, je sais pas si vous connaissez, qui dit que la seule relation capable de révéler aux gens leur nature profonde sont les relations sexuelles. Alors, est-ce que ça veut dire que moi-même, je suis violente à l'intérieur? Mais non, vous n'êtes pas violente. Il ne s'agit pas de violence, il s'agit de pulsion sexuelle. Si vous avez envie de mordre, c'est effectivement un petit peu un parallèle, un équivalent de la fessée. C'est un autre moyen. Vous vous sentez plus dans ce truc-là. Voilà, c'est tout. Mais il faut que l'autre joue le jeu aussi et soit d'accord. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est que là où il y a un problème, c'est si on mord alors qu'on sait que l'autre n'aime pas. Voilà. Là, pas c'est le fait de la violence. De mordre. Tout court, ça devient de la violence. Là, ça devient de la violence. Si on la violente l'autre et qu'on lui impose quelque chose. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en vieillissant, vous deviendrez inoffensive au niveau des morsures. Parce que vous n'aurez plus de dents. Est-ce qu'on vous a répondu, Eugénie? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt sur l'antenne du Point G. Je rappelle à tout le monde le numéro de notre répondeur. C'est le 01 56 40 54 54. Mon époque, ma radio, LLP en direct de South by Southwest à Austin, Texas sur le Move. South by Southwest and you're listening to les grandes stars de South by Southwest. Le Move. Yeah, it's playback, but they're doing it really well. Bon, je suis au coin de 6th Street et Congress environ pour Wilder ici. Ça c'est vraiment la musique du sud. En session ici au Move House, South by Southwest, Austin, Texas. Le Crédit Mutuel donne le la au festival South by Southwest à Austin, Texas, sur le Move. Hey Laura Leishman, balance la sauce. La sauce by Southwest. Ah, c'est plus. Avec le Move et le festival Petit Clap, révélez le réalisateur qui est en vous. Vous avez entre 15 et 25 ans, envoyez vos films d'une durée maximum de 15 minutes et rendez-vous le 1er juin pour la cérémonie de remise des prix. Plus de 2000 euros à gagner. Le festival Petit Clap, parrainé par Arnaud de sa mère, à vivre dès maintenant avec le Move. Plus d'infos sur lemove.fr. Le Move. À Rennes, 107.3. À Cannes sur 101. Et en Alaska, lemove.fr. Il est dans quelques secondes, il sera très exactement 19h44 sur le Move. Vous êtes bien à l'écoute du Point G. Maintenant, chut, fermez les yeux. C'est beau, c'est un cadeau pour Jean-Kévin de la Morinade. Jean-Kévin, tu as un cœur d'artichaut, je te jure. qu'un jour ça marchera malgré ton tout petit goumi. Tu arriveras à choper, c'est juré. C'est une belle chanson, ça. Ouais. Ah, mais c'est un romantique, notre Jean-Kévin. Brian Adams aussi. Hein, donc, ah, bah oui. Oui, oui. On écoute un petit peu, peut-être. C'était dans un film, ça, hein, cette musique. C'était pas Robin des Bois, là, avec... Si, c'est ça, Robin des Bois, oui. Avec l'homme à la calvitie naissante depuis longtemps. Et en même temps, il y a une calvitie qui ne progresse pas, c'est ça. C'est le mec de Calista Flockhart. Encore Magdeville. Mais non, il a changé. Ah bon? Mais je on crois. M'a pas dit, alors. Il a changé. Faut que je me remette à lire Voici, moi. Point G comme gossip, j'ai envie de vous dire. Aussi. Ça vous plaît, docteur? Ah oui, génial. Merci. Alors, si vous voulez qu'on brûle les cordes vocales de Brian Ferry, dites-le nous. Si vous avez tout autre chose... De Brian Adams, pardon. Enfin, si vous avez... Mais Brian Ferry aussi, on peut aussi. Si vous avez tout autre chose à nous dire, vous le pouvez aussi. Tous vos messages, vos questions, vos interrogations, vos coups de gueule et bien d'autres sont les bienvenus. Et alors attention, parce qu'ici, on a les moyens. Eh ben ouais, on a un répondeur, 01 56 40 54 54, une page Facebook... Point G comme Julia, un compte Twitter @.julia et même un mail .g@radiofrance.com. Si vous avez des questions ou des réflexions d'ordre général sur l'amour et la sexualité, soyez évidemment, encore une fois, les bienvenus. Vous pouvez tout vous permettre. Si vous voulez réagir en revanche sur les thèmes qu'on va traiter, ça se passe sur la page de Point G sur lemove.fr. Tout y est. Enfin, j'espère, sinon je moleste mes équipes. Point G comme Julia, parce que ça s'écrit avec un G. Bah ouais, c'est comme ça. Alors, vous êtes toujours sur le Move, vous êtes toujours dans Point G, avec Justine Paris et Anne-Ma. Toutes vos questions, je le disais, c'est sur notre répondeur et vous nous laissez vos coordonnées et on vous rappelle. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Charlène. Bonsoir Charlène. Bonsoir Julia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, avec vous là, on n'est pas sur fessé hors notre fessé, mais sur quand c'est pas l'heure, c'est plus l'heure. C'est ça? C'est-à-dire que vous nous expliquez que vous n'êtes pas tout à fait synchro avec votre ami. C'est exactement ça. C'est pas vraiment un problème, hein, mais mon petit ami adore faire l'amour le matin et moi j'adore faire l'amour le soir. Et du coup, eh ben, on est rarement sur la même longueur d'onde au bon moment. Alors on a beau faire des efforts chacun pour plaisir à l'autre, mais moi en plus j'en fais pas beaucoup parce que je déteste le matin. Et donc je me demandais si vous aviez. Non, puis le matin, ça va, on n'a pas le temps, quoi. Une idée. Enfin, je vais pas mettre mon réveil une demi-heure plus tôt. Non. Un an. Non. Ah alors non. Que le soir, on a tout le temps. La grasse mat, hein, ça reste le bon compromis. Mais oui, mais en semaine, Anne-Ma, il y a des gens qui travaillent. Ah, pardon. Ou alors, on se réserve juste le week-end. Bon, non. On a essayé un temps, mais même le week-end, j'aime pas ça. Je suis pas vraiment du matin, donc. Ne vous forcez pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La contrainte, c'est mauvais pour la sexualité. Hein. Il faut juste, alors, ne pas être sur la même longueur d'onde. Ça arrive à des milliers de couples. J'allais dire, même tous les couples pratiquement ont un jour ou l'autre ce genre de problème. Il ne faut pas se forcer, il faut trouver effectivement un compromis. Le compromis, pourquoi pas, c'est la sieste? Non, je plaisante. Le compromis, c'est... C'est un compromis qu'on a déjà fait, la sieste. Bien sûr. Alors, le week-end encore. Ah oui, le ça week-end, le week-end. Voilà. Ou en vacances. Non, mais et c'est... En plus, mon ami travaille le samedi. Donc Ah oui, donc ça marche un jour par semaine, mais c'est pas idéal. Il faut que celui qui a le plus envie arrive à convaincre l'autre. Le convaincre pas de se forcer... Mais le convaincre d'avoir envie, c'est-à-dire lui donner envie, c'est-à-dire le séduire. C'est voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est la séduction qui arrive à mettre tout le monde d'accord. Rentrer en phase avec l'autre, c'est séduire l'autre. C'est la parade problème, amoureuse. J'ai l'impression que le matin, pour la séduction, c'est pas le meilleur moment. Ah, mais oui, mais s'il est-ce est que vous faites référence à une haleine de poney, par exemple? C'est ça? Voilà, ça, on ne sait pas laver les dents, tout ça. C'est compliqué pour les bisous du matin. Oui, c'est pas idéal. On aime bien faire des bisous, donc le soir, c'est mieux. Si on vous, est propre. S'il vous poursuit dans la salle de bain et qu'il fait le siège jusqu'à ce que vous soyez lavé les dents, que vous soyez sous la douche, peut-être qu'au final, il arrivera de temps en temps à vous convaincre, mais à condition que vous fassiez pareil le soir. Ah oui. Ben oui, donnant, c'est donnant. C'est-à-dire que la séduction, c'est pas unilatéral. C'est chacun, il met toute son énergie et par moment, il y en a un qui convainc l'autre. Qu'est-ce qui pourrait vous séduire le matin, Charlène? Si vous avez un message à lui faire passer, c'est maintenant. Chérie, offre-moi donc une rivière de diamants, je te jure que je le fais. Alors franchement, je pense que ça pourrait marcher, la rivière de diamants dès le matin. Ouais. Non, oui, il faudrait peut-être que... Oui, je me suis réveillée meilleure plutôt. C'est pas forcément des cadeaux, hein, s'il vient vers vous, qu'il se met à vous dire des mots doux dans l'oreille, à vous caresser, à faire des trésors de sensualité, de tendresse. Il va finir par vous réveiller. Effectivement, si vous avez un tout petit peu de temps, on peut imaginer que ça se finira pas trop mal. Et puis avec un petit Bryan Adams, tout passe, non ? Voilà, par exemple, mais voilà, c'est tout à fait. Avoir l'iPod à côté du lit. Exactement. Tout à fait, mais c'est ça, c'est ça. Je voulais vous demander, Ghislaine, est-ce qu'il y a... Parce qu'on entend beaucoup ça, moi je suis du matin, moi je suis du soir. Est-ce que physiologiquement, oui, il y en a qui sont plus ou moins du tout matin à fait, ou du soir ? Tout à fait. C'est lié à quoi en fait ? Oh, à plein de choses, à nos cycles hormonaux, à nos rythmes effectivement biologiques, personnels, qui sont génétiquement programmés. C'est très difficile de se changer, je crois que... Oui, et puis ça, quand on est un couple, par définition, ce sont deux personnes. Deux personnes, ce sont deux personnes différentes, avec des cycles différents, des histoires différentes, des sensibilités différentes. Donc forcément, ils sont en décalage. C'est pour ça qu'il faut, dans tous les couples, qu'il y ait de la séduction. Mais c'est une question avec laquelle on a un petit peu de mal, parce que, idéalement, c'est un peu ce que raconte le roman 50 nuances degrés, quand vous parliez, Anne-Ma, d'orgasme simultané, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde idéal, ce serait l'osmose parfaite tout le temps, il n'y aurait pas d'effort à faire, et on serait tout le temps, tous, enfin, avec son amoureux ou son amoureuse, toujours synchro. Ça existe juste dans la passion. C'est-à-dire au tout début, d'accord, quand on se rencontre, effectivement, nos cycles sont bouleversés. On a envie tout le temps, le matin, le soir, à midi. Open bar, quoi. Il n'y a aucun effort à fournir, mais ça ne dure pas. Donc, effectivement, dès que le couple s'installe un tout petit peu dans la durée, il faut se mettre à développer. Alors, j'aime pas le mot d'effort parce que ça évoque le travail, quelque chose de pénible. Non, de l'énergie, de l'envie, de l'élan vital, c'est ça qu'il faut. Avoir envie d'avoir envie. Vous avez entendu. Alors, si on cite Johnny Hallyday après Bryan Adams, il s'y connaît quand même, Charlène. Johnny, Non, mais donc, si physiologiquement on est différent, on pourra jamais. On peut essayer de s'améliorer en faisant quelques, entre guillemets, efforts, mais c'est-à-dire que jamais on sera sur la même longueur, on pourra jamais être, on peut pas changer ce qu'on est. Donc, quoi qu'il arrive, je pourrais jamais devenir du matin et lui du soir. Certainement pas. C'est clair, vous ne deviendrez jamais du matin, mais si son énergie désirante est suffisamment forte et s'il arrive à vous convaincre, vous pourrez avoir du plaisir le matin, vous serez la première surprise. Et c'est pas mal d'être surprise, non? Je veux lui en parler, je vais lui dire de multiplier ses efforts. Exactement. Charlène, dernière petite question, vous êtes quel signe ? Taureau. Bien, alors écoutez ce qui va suivre. On vous l'avait promis, la voilà. Dans ton horoscope, amour, c'est la pêche. Travail, c'est la pêche. C'est la pêche ! Eh bien oui, histoire d'attaquer cet horoscope amoureux qu'on pourrait qualifier d'héroscope pour les amateurs de langue morte et de jeux de mots bon marché. Eh bien, je vous propose qu'on attaque avec les lions, qui était le signe astrologique de ce pauvre Hugo Chavez, qui est là sur sa fin de vie, on le sait tous, était devenu ascendant cancer. Un départ aussi triste que ballot, car sentimentalement parlant, pour les lions ce week-end, grâce à la présence de Vénus en poisson, comme on dit dans le jargon des astrologues et autres vitaux, eh bien votre charme, million, devrait faire beaucoup d'effets. Même chose pour ces petits coquinous de scorpion. En grande spécialiste du sexe, vous êtes naturellement toutes les deux natives, mais aussi pour les cancers et les poissons, communément appelés les signes d'eau, ce qui dans les faits ne les rend pas sobres pour autant, comme l'a longtemps prouvé ce pauvre Jean-Luc Delarue, natif, hélas disparu sous le signe du cancer. En tout cas, pour ce week-end, des tête-à-tête amoureux et des nuits enflammées sous la couette en prévision. Et pour les célibataires de ces trois signes, de nombreuses sollicitations à venir. Alors évidemment, quand on dit nombreuses sollicitations à venir, l'astrologie n'étant pas une science exacte, ça peut tout simplement vouloir dire que vous allez vous faire peloter par un vieux roumain dans le métro. Mais bon, comme on dit, quand on est en jachère, tout contact est bon à prendre. Bien sûr. D'autres hein, qui ne seront malheureusement pas bons à prendre ce week-end. Hein. Ce sont les natifs du Bélier, du Sagittaire et du Taureau, justement, hein, dont le ciel amoureux est un peu bloqué ces temps-ci. Hein. Donc un week-end où les célibataires hein, désireuses de relâcher la pression, comme on dit, hein, vaut mieux de penser à prévoir un stock de pile neuf hein, pour leurs petits canards, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ceux en revanche qui n'auront pas besoin d'accessoires hein, pour pouvoir vibrer de plaisir, ce sont les natifs du signe du Capricorne et des Verseaux et de la Vierge, hein, que la présence de Vénus en poisson rend parfaitement irrésistible. Hein. Du coup, pour ce week-end, invitation, déclaration d'amour, hein, tous les scénarios sont possibles, mais prudence. Hein, en revanche, si vous êtes en couple et que vous avez l'intention, hein, pour des raisons fiscales notamment, de le rester, hein, car avec la présence de Vénus, hein, vous héritez d'un petit ascendant chacal hein, qui risquerait de vous faire passer en mode DSK. Hein, donc, restez vigilants, hein, surtout si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un bon avocat. Prudence également pour les natifs de la Balance. Hein, ce week-end, vous risquez d'être d'humeur à dire je t'aime un peu à tort et à travers. Alors évidemment, hein, je t'aime, on le sait tous, hein, c'est un peu l'équivalent d'un code PIN hein, sur un portable. Hein, en général, ça permet d'accéder rapidement au menu. Hein, mais attention aussi, si le mot de passe n'est pas sincère, la relation risque de se bloquer, voire de se désintégrer. Et on termine enfin avec les Gémeaux, hein, pour lesquels on me dit de vous dire, hein, comme on dit, que vos prouesses professionnelles auront un effet bénéfique hein, dans vos relations affectives. Alors évidemment, hein, si vous nous écoutez, que vous êtes chômeur ou SDF, hein, rassurez-vous, hein, un carton astucieusement transformé en lit de camp hein, ou un ticket restaurant glané dans le métro peuvent être considérés naturellement comme des prouesses professionnelles. Voilà. Merci Anne-Ma. T'es la balle dans ton horoscope, t'es la balle dans ton horoscope. Moi je l'ai dans mon horoscope, moi je l'ai dans mon horoscope. T'es la balle dans ton horoscope, t'es la balle dans ton horoscope. Paris, ça peut booster au lit des prouesses professionnelles? Ah oui, surtout. Ah bon? Ah oui, oui, bah oui, surtout les hommes. Surtout les hommes. Il y a une confusion énorme dans la population masculine entre la puissance sexuelle et la puissance professionnelle. C'est-à-dire qu'un chômeur walou, quoi. C'est souvent difficile. Ouais. Sauf si sa copine est chômeuse. Voilà. Ah, et auquel cas auquel cas, tout va mieux. L'émission se termine bientôt. Je ne peux résister à l'envie de vous faire partager ces quelques traits d'humour de nos auditeurs sur Twitter. Alors, Jerry Jaune, donc Jerry Jaune. Mais oui. Voilà. Il écrit donc une levrette sans fessée, c'est comme une raclette sans fromage. Oh mon Dieu. Je l'aime bien c'est celle-là. Vrai que c'est pas faux. Hein. Je l'aime beaucoup. Et Walter White écrit quelle est la fée la plus méchante? La fée A, la fée B ou la fessée? Mais oui, la fessée, Anna. Moi, j'aime beaucoup tout ça. Envoyez vos messages sur Twitter, vous aussi. L'adresse @.julia. Toutes vos vannes, même les plus pourritos, on les passera, bien entendu. Tout comme vos chansons d'amour, bah oui. Dans Point G, c'est vous qui faites la playlist et ce soir, c'est Nadia qui a choisi ça. Foxy Lady, Jimi Hendrix et Nadia nous écrit « Mon couple, c'est comme ça que je le ressens. J'ai besoin d'être la dominatrice du couple. Celle qui griffe, qui mord et qui règne, c'est moi, la Foxy Lady. J'ai besoin de rager des fois en pensant à ma relation. Alors je mets cette chanson et je me défoule en dansant. » Alors allez-y, défoulez-vous, griffez, régnez. C'est donc avec Jimi Hendrix qu'on va se quitter aujourd'hui. Point G, c'est terminé. Merci à Ghislaine Paris de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Un désir si fragile, aux éditions Le Duc. Merci à Romy Engels, Julie Verne et Gilles Gaillard pour la préparation de cette émission. Merci bien sûr à Anne-Ma. Enfin, merci à vous. Surtout pour ce que vous avez dit sur les scorpions. On est toutes les deux ravies. Mais je le vois. Revenez jeudi, dites-nous la même chose s'il vous plaît. J'essaierai. Demain à la même heure, c'est Si c'est sport, mais on revient lundi. Lundi, on va parler du plaisir masculin. Toutes vos questions sur notre page facebook.g comme Julia ou sur le répondeur de l'émission 01 56 40 54 54. Un point P, ça vous tente, Émilie ? Ça dépend. J'ai très peur. Nous, on l'a pas. Mais eux non plus. Mais eux, ils croient qu'ils l'ont. Mais comme prostate. Ah, ça va. Je croyais que vous alliez me dire pipe. Ah, bah, oh, super, je suis désolée. Pourquoi pas en même temps? Je suis désolée. Mais enfin, vous nous mettez d'une humeur aussi là pendant cette demi-heure. Nous, on commence hashtag, on est chaud comme des baraques à frites. Mais c'est voilà. Très bien. C'est bon. Très bien. Allez, on vous laisse avec hashtag sur le move. Bonne soirée à tous. Merci. Salut. Bye. Point G, évidemment, en réécoute et en podcast, lemove.fr.